Comment on rentre dans un univers comme ça? C'est facile. Parce que quand ils arrivent pour la série, on dit oui dessus. Enfin, il y a... Bon, déjà, je venais chez eux avec le projet. Et bien sûr, il faut toujours... C'est bon, j'ai pas à poser quoi que ce soit là-dedans. Je viens avec la voix. Déjà, moi, je leur demande, est-ce que vous êtes sûr? Vous voulez ça? Parce que... c'est pas évident. C'est spécial. Vous êtes sûr? Parce qu'il y a l'accent. Mais vous en rentrez. Ok, ça, d'accord. Okay. Si vous êtes sûr que vous voulez ça, on y va. On va foncer. Alors. Et si je fonce? Alors, c'est tout à fait ça avec Vince et Steph. C'est qu'ils sont quand même deux génies dans le... qui ont quand même toujours été, qui partageaient le cartable, peut-être le petit plateau l'un côté de l'autre, et des moments, et qui ont commencé à faire des choses en grand, en étant grand, mais toujours avec comme des garçons, des, comme ça, qui jouent dans le sable avec un cowboy indien, et qui après ils vont monter dans leur Hot Wheels, et puis qui vont partir. Ben, bien sûr, ça ne ressemble pas du tout à la réalité, mais c'est aussi, mais tu es rappelé de ces genres de jeux d'enfants, d'imaginaire d'enfants. C'est pas l'imaginaire d'adulte qui va penser encore plus loin, c'est l'enfant qui va dire pourquoi pas. Et qui est en train de s'amuser à ce moment-là, à raconter son histoire. Il ne va pas aller chercher trop loin parce qu'il a des choses juste à côté. Et s'il tourne et il voit bien, ah, cheval, il habite avec cheval aussi. Et puis où ça? Ben dans une maison, ben dans cette maison-là, par exemple. Et c'est toujours ça, un peu, c'est... Ils vont pas... Moi, je trouvais cette idée avec les scientifiques, déjà. On se dit quoi? Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas d'explication. Mais non, mais ils sont là. Ils ont créé, ils ont construit cette pingouin. Ben... c'est tout à fait logique de... La folie, moi je trouve c'est génial. Ben, c'est comme Wally, c'est Gromit aussi, quand il le lit, il faut avoir ça, il faut que ça reste intègre, il faut que ça sera, c'est pas seulement à l'absurde pour absurde, pour chercher quelque chose qu'on n'a pas en tête, mais non, c'est pas ça, il y a pas de, c'est ouais. Pas un truc qu'ils ont écrasé les cellules des ménages, oui. Le cerveau, ils n'ont pas smashé le tête ensemble pour trouver leurs idées. Ils ont simplement dit ah oui, ils ont rigolé tout le temps en disant ah oui, ça. Et puis, et tu reviens quand ces deux-là ils sont d'accord, on y va. Mais ça fait pas peur quand ils t'ont proposé le long métrage, de se dire la série ça va marcher, mais le long métrage c'était... Ah non, ça long, mais je pensais, en fait, c'est la seule chose qui me faisait peur, c'était de penser que j'allais passer des semaines devant le micro. Parce que, mais non, et pour finir, ce n'était même pas le cas. En fait, chaque fois que je venais dans le studio, c'était pour... On faisait une heure et demie pour faire, par exemple, un épisode. C'était très bien parce que, en plus, je crois que le procédé, ça se passait beaucoup plus vite puisque les personnages n'avaient pas de lèvres qui bougeaient. Ce n'était pas dans les attitudes. C'était à la limite. Et on voyait le truc. Moi, j'ai mime aussi de formation. J'ai mime Marceau. Eh bien, voilà, je regarde un peu les attitudes. On a compris et c'est en... par rapport à ça, et on voit bien, ah oui, il bouge un peu, hein? Ça veut dire qu'il a dit quelque chose. Et c'est tout à fait une autre façon de s'amuser un peu à animer, mettre la voix, mettre le son sur des images comme ça. Parce que si on voit, il faut quand même faire attention à ce qu'on va mettre là-dessus. Parce que beaucoup plus exactant, eh bien, avec Indien, Cowboy, tous les autres personnages, avec Panic au Village et dans le style d'animation, ça se passe beaucoup plus vite. Plus vite, mais pas, je veux dire, pas plus n'importe comment, mais c'est très facile de voir pour eux. Eux, ils savent déjà quand tu arrives dans le studio, bien sûr, tu peux être sûr. Alors, eux, ils viennent avec la suggestion. Ils disent ça de façon surprise. Surprise? Ah oui, d'accord, surprise. Ok! Ah! Oui, j'ai mis. Ah, ça enregistre! Donc, l'économie de moyens qu'il y a dans l'animation, c'est rattrapé par la voix qui peut faire Je crois qu'on entend des choses un peu dans la voix, c'est la façon, et en plus, Indien, il a toujours été toujours excité. Je veux dire, le personnage, qui, depuis le début, c'est ça qu'il voulait chez moi. Et moi, j'aime bien ça. Déjà, si quelqu'un peut apprécier cette voix. Parce que, pour moi, c'est assez bizarre. Déjà, quand je vais aller chercher du pain chez le boulanger, un pain, s'il vous plaît. Dis ça encore, mais c'est eh bien, non, c'est ça. Moi, j'ai fait tellement de mésaventures avec ça. C'est déjà très chouette quand quelqu'un vient et qui demande exprès que je fasse comme ça et que je mets même à un peu plus. C'est tout ça génial. Vous êtes sûr? Ok, d'accord. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est l'un. Le long métrage, la série, c'est, ouais. Les voix, c'est énorme. Ouais. La voix de l'Indien, elle est connue par cœur, par tout le monde. Enfin bon, c'est fou, hein. C'est impressionnant comme. Ça, c'est dingue. Et en plus, je veux dire, le travail aussi, c'est. Je pourrais dire que c'est presque autonome parce que. Il y a tous les personnages anonymes, je veux dire. C'est la façon que l'affiche, tout le monde est sur l'affiche. C'est les créateurs qui ont fait les voix. Ils ont tout le monde à contribuer. Et c'est très chouette. Moi, parfois, je dis que aux gens que moi, je fais les voix d'un. Ah, c'est toi! C'est fou. Hein. Et puis, il y a d'autres qui entendent la voix et qui disent bah, ça me dit quelque chose. Et ils me connaissent aussi, mais ils n'ont pas encore fait la connexion. C'est qui ça encore? Mais, c'est drôle d'être connu presque pas plus pour sa voix que. Mais j'ai fait ça, oui, ma voix, il m'a fait beaucoup de choses. En plus, je suis venu des États-Unis au début des années 80 pour étudier avec le Mime Marceau. Ouais. C'était pas pour pas parler, mais. On se dit, ben voilà, en fait, je voulais, quand on vient, quand on se lance un peu comme ça, dans les études et dans la profession, dans la carrière de théâtre, on imagine, on espère de faire plein de choses, vocales, des films, des cinémas, de scènes, de la scène, de la musique, de la danse, enfin, en tout cas, c'était moi, mon rêve, et bien, ça se passe pour moi. En Belgique, il y a tout qui vient, qui était venu, qui est passé chez moi. Je commençais ici à Paris et moi je suis un indigène, indien de Indiana plus, en plus. Okay. Et bien j'ai de ça un peu dans la peau, dans le sang, dans la famille, arrière-grand-mère qui était indien. Ouais. Okay. Wow. Et bien voilà, c'est un peu le cercle qui se fond, mais c'est pas vraiment de grand destin, mais c'est des coïncidences, c'est la vie, et c'est ça que je trouve génial dans la vie. Mais en fait, je me trouvais à Paris, en 82, 3, 4, avec des amis internationaux, puisque c'était une école internationale. C'est la première fois que je rencontre une autre mime, et ça sera une mime de Dublin. Et puis un autre de Venise, et puis les autres de Oslo, et puis de l'Espagne, et puis tout, Allemagne, et puis en Belgique. Et puis j'avais créé un spectacle de mime en voulant, en continuant, en travaillant, en faisant des spectacles, déjà avec des amis maintenant qui se trouvent internationaux. Hein. Je veux dire, quand on sort du ferme en Indiana, presque comme un coin, comme ça dans le film, panique. Eh bien voilà, on se trouve avec ça et la création, ça fait ça. Quand on a un peu les goûts encore simples comme ça, en venant de cette origine-là. Et puis voilà, et voilà ce que je fais encore en Europe. C'est ce que je fais. Et puis de rencontrer. Comment ça s'est passé la rencontre? Eh bien, on m'appelait pour venir faire quelques voix pour un autre projet. J'aimerais bien pouvoir dire exactement ce que c'était, mais je ne me rappelle pas. Je crois que c'était peut-être, ou si ce n'était pas avec la première série, Pic-Pic et André, alors c'était peut-être avec une publicité, un contrat qu'ils avaient dans le studio. Eh bien, en tout cas, je me suis trouvé plusieurs fois. Je me trouve, ok, voilà, je me trouve avec des personnes. Je n'étais même pas là ou c'est même pas parti de la décision que ça sera moi, ce personnage. Non, moi, je viens dans le studio et ça s'est toujours passé bien. Au bout d'un moment, bien sûr, je rencontre des gens à l'extérieur du studio qui ont été la semaine dernière. Ah bon, moi, j'étais ce matin. Eh bien, qu'est-ce que tu faisais? Ben, je faisais ça. Eh bien, ah oui. Et tu te rends compte, on se rend compte que. C'est deux, justement, deux qui sont toujours dans la création et tout l'artiste, la communauté artistique, en fait, ils viennent de temps en temps faire des contributions à leur petit projet qui est derrière le mur et tout ça. Parce que c'est deux timides, c'est pas, ils sont pas très extravertis avec à annoncer. Bien sûr, c'est la même chose quand on est en pleine création. Dans le laboratoire, on imagine. Ouais, on ne veut pas toujours dire voilà, mais il y a des gens, il nous faut quelqu'un pour ça. Et si on appelle ça, tu te trouves là, ils vont t'expliquer, est-ce que tu peux pas faire ça? Eux, ils sont pas non plus, ils s'occupent pas non plus de trop, mais ils sont hyper bien entourés. Moi, je trouve ça, c'est génial. Je trouve ça génial chez Steph et Vince. C'est une petite production, c'est vos deux partenaires, ils sont pas. Comme ça, ils vont pas faire tout, ils vont pas sonner tellement fort, mais ils sont hyper bien entourés par des gens qui contribuent et qui sont très sensibles à leur bulle. Le fait que ça soit en Belgique, que c'est un peu plus petit, ouais. Est-ce que c'est justement, c'est comme ça aussi que ça se forme plus facilement, une communauté peut-être bien artistique peut-être comme bien ça aussi, parce qu'il y a aussi ce côté la belgitude de respect de ça. C'est-à-dire de savoir quand on voit bien quelqu'un qui, avec le petit potion magique dans le coin, on va pas inviter. C'est bien que ça, il y a des choses qui peuvent sortir. Et parfois, ici, après, surtout, il y avait déjà d'autres choses qui sont bien sorties de ça. On sait bien que c'est important de le laisser faire. Tu vois, il faut pas venir autrement. Faut pas... Est-ce que la folie est un peu plus présente là-bas? Par rapport à Paris ou la France, est-ce que la Belgique n'est pas? Ils sont timides, c'est de là, ils sont timides, ils sont entourés par les gens aussi, mais je crois que c'est très tranquille. Moi, par exemple, si je travaillais là tous les jours, ça serait un peu plus fou, je crois, parce que moi, je dois quand même avoir des signes extérieurs de la folie de ce qu'on est en train de faire en privé. Ça, c'est un peu moi. Mais ils sont bien entourés, justement, les gens qui m'appellent, la secrétaire qui doit gérer un peu tout. Je le fais toujours, félicitations, toujours à elle. Parce que c'est elle qui doit, à l'extérieur, ramener les gens, qui doit mettre compte, qui doit téléphoner. C'est elle qui va proposer à chaque artiste, je veux dire, ou bien autre chose, on va aller chercher des pizzas ou autre chose. Mais pour quand même, pour ça, et quand ça prend la dimension de quelque chose en production, en compagnie de production, ça prend un peu de plus d'emplois, il y a plus de gens qu'il faut payer pour ça. Mais je veux dire, des gens qui, quand même, qui savent bien préserver cette bulle-là, et pas qui les oblige pas de sortir de leur laboratoire, simplement parce qu'ils sont dans le monde, que le monde. Je veux savoir plus, moi je trouve ça c'est très chouette. Il faut les préserver comme ça. Je trouve que c'est très chouette. Et ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils sont vraiment dans une petite vie. Ils sont deux garçons qui sont grandis. Alors, et je crois que tout le monde autour d'eux se rend compte. Et c'est pas eux qui disent laisse-nous tranquille, non. Mais par instinct, quand on se trouve avec eux dans la création, tu laisses. C'est normal. C'est pas eux qui cherchent le mystère. Parce qu'il y a des auteurs, il y a des gens qui cherchent le mystère. Non, c'est pas eux qui cherchent. C'est pas eux qui cherchent, mais c'est sûr que c'est avec ça qu'il le permet de continuer. Moi, j'étais dans le train avec eux, on n'était pas assis, mais on a commencé. Non, je veux pas. Si vous commencez un peu à faire des idées, ne me demande quoi que ce soit. Parce... On a toujours des idées en plus de mais ils ont cette tranchette, c'est parfois c'est précieux, il faut le reconnaître. Et en plus quand on voit bien qu'ils ont fait déjà des séries, qu'ils ont déjà réussi tout le travail, c'est pas qui que ce soit de venir et pour intervenir, mais c'est toujours chouette quand ils viennent t'appeler pour venir contribuer parce qu'ils trouvent que tu as une place, quelque chose à contribuer là. Ils ne demandent jamais d'idées quand même, pour la série ou pour le film, quand une voix c'est autant le personnage, est-ce que des fois ça laisse place à l'improvisation ou... Parfois, mais je crois que c'est pas le manque d'idées, je crois que c'est simplement de nouvelles situations qui se produisent. Si moi je sors une expression, bien sûr, moi je prends une petite note mentale avant de me mettre devant le micro ou chaque scène. Moi j'ai une question, si moi j'ai moins de doutes, je ne vais pas venir imposer, je vais le demander à eux. Parfois j'ai un truc où moi je sors un truc un peu à l'anglais, un peu. Oh no! Run! Look out! Ah! des choses comme ça, ils disent, ah, je les entends rire, j'ai sorti ça comme ça, mais si c'est pas ça, ils disent, non, c'est ça. Tu vois, il faut toujours être sûr de ne pas courir avant eux, parce que c'est eux, ils sont pas en train de... C'est mon personnage surtout qui est plutôt... qui est en train de courir partout, hein, plein de galop, mais... c'est vraiment l'Indien qui n'est pas très stoïque et il est excité et c'est lui qui veut tout faire. Il est presque de finesse un peu aussi, il a un peu quelque chose de ça, de sa façon autoritaire qui veut bien, mais sa voix importante et aussi, mais c'est non, tout ce qu'on n'imagine pas un Indien. Mais le petit enfant, l'enfant qui va venir jouer avec ses jouets, il va prendre le canard, il va faire autre chose avec le canard que faire. Il va faire Oh, je suis le canard, le vieux canard qui va dire Mais non, maman, le canard, ça vous est. Mais c'est dans la main de l'animateur, alors quand c'est à eux, il faut savoir un peu comment ils voient les choses aussi, tout le temps. Mais donc c'est drôle parce que c'est une vraie rencontre parce que comme tu disais, le personnage de l'Indien, il est où tous les personnages, ils sont pas très expressifs. Enfin, ouais, ils le sont. Ils n'ont pas d'expression là. Ils n'ont pas d'expression. Donc c'est vraiment d'un seul coup l'espèce de feeling comme ça qu'il peut y avoir. Et comme je suis comédien, j'avais fait aussi quelques petits travaux de personnages et de composition d'autres vocales. J'ai d'autres personnages aussi vocales, mais avec ça, moi, j'ai trouvé ça génial que. On a un Indien qui, en fait, son aspect, c'est ça. Mais son caractère, c'est ça. Oh, non. Et toujours excité, toujours enthousiaste, pour motiver, toujours en avant. Ah, c'est le matin, on se lève. Eh bien, c'est l'heure du petit déjeuner. Et c'est toujours des choses plus banales. Et tout est toujours annoncé comme s'il y avait un mégaphone. Mais ça, c'est l'Indien. Les enregistrements, c'est chacun son tour ou c'est. Eh bien, c'est chacun son tour. Et moi, je suis très souvent avec eux à faire les. Ou si je ne suis pas dans le premier, deuxième ou troisième. Oui, c'est très souvent comme ça. Eux, ils ont bien sûr accès tout de suite au studio parce qu'ils travaillent dans le studio, là où ça s'enregistre en plus. Alors, très souvent, ils ont tout. Mais je crois que pour une ou deux, peut-être plus, dans la série ou même de prise ici dans le film, dans le long métrage, ils m'ont appelé pour venir faire ça la première. Alors, c'est un peu, on est plus perdu, hein? Oui, c'est. Surtout qu'eux, ils sont leur référence. Ils sont mon référence à moi. Alors, c'est. S'il n'y a pas de voix de cowboy qui va dessus, je ne sais plus quoi faire. Ou bien le cheval. Et puis moi, attends, attends, le cheval, il dit ça. Comment? C'est normal. C'est pas frustrant. C'est normal. Pour un comédien, de ne pas avoir quelqu'un. Bon, non, c'est pas du tout problématique. Ça fait partie de notre travail. C'est un peu comme une prise, il y avait un bruit, il y avait un avion qui passait. C'est le petit truc, ça c'est le boulot et c'est des choses dans le boulot qui sont un peu. Mais si tu passes la première, tu aurais moins de références. Alors je crois qu'il y a des choses, je ne sais pas s'ils ont compris ça. Oui, sûrement ils ont compris ça, mais ils faisaient juste par hasard que eux, heureusement, quand moi j'arrive, eux ils ont déjà beaucoup de répliques qui sont là, ceux-là. C'est le bon. Oui, donc c'est. Ça m'aide normalement, ben, ça, parce que sinon, moi je dis, ah, mais c'est tout bien, c'est. Non, Bruce, là, cette fois-ci, il est vraiment. C'est dit, ok, d'accord. Oui, mais comment ça va? J'arrive, ah, c'est tout, c'est écrit. Oui, parce qu'il change quand même pendant le film, enfin, il y a des moments donnés, il est. Il y a des moments, il y a des moments, oh non, cowboy, ah, cowboy, le mort de cowboy, c'était incroyable, mais ça dure quand même. 30 secondes avant qu'il reçoive la carabine, le cowboy. Ah! Génial! Ben, c'est. C'est vache, c'est pas possible. Mais c'est génial, c'est exact. Ah oui, il y a des choses comme ça. J'aime bien cette attitude-là d'Indien, sa façon de réfléchir. quand je le fais, ça me chatouille de l'intérieur. Juste de sentir Dieu voir ce personnage à la fenêtre. Laisse-moi réfléchir. Et puis, comme mon père, qui voit plus, qui fait l'addition de tout ce qu'il voit, et toujours, ça ne fait pas encore. Pour le barbecue, il cherche une idée, il voit un cochon, et puis il voit des briques, et puis. Il ne touche pas l'idée. Maintenant, j'adore ça, j'adore ça. Ça, c'est. J'adore quand on peut quand même planter l'idée là chez le spectateur et ça le fait. Ça le fait. Ça fait partie du spectacle. Faut pas toujours tout raconter. Et eux, ils font ça hyper bien. J'ai trouvé, il y avait des moments dans le film qui m'ont vraiment fait rire. Je ne savais même pas raconter le scénario avant de terminer, avant de voir le film. Hein. Je leur demandais, qu'est-ce que ça raconte pour finir? Parce que les prises sont faites, bon d'accord, peut-être parfois aussi dans le vrai temps, dans la lumière, mais parfois on sautait. C'est normal. Mais c'est chaque fois qu'on fait juste une petite séquence comme ça, eux, ils doivent simplement m'expliquer un peu ce qui se passe. Faut pas, c'est pas très compliqué, c'est pas trop compliqué là, avec les